c'est mon poteau. Il assure. Il est loin devant, loin, loin devant. Me capte pas dans ton rétro, ça fait 10 ans que je t'ai doublé. Je suis insolent, sûr de moi, personne ne me fera douter. Ouais, je vois la concurrence et je casse des barres. Se prennent tout pour des winners dès la case départ. Allez, avoue que je t'attire, je suis un peu comme un aimant. L-I-E-R-M-O, c'est trop dément. Je pourrais mourir au combat, moi je suis un gladiateur. J'ai tellement le sang chaud qu'on m'appelle radiateur. Je peux être triste, énervé, même comique et romantique. Mais peu importe mon état, moi je suis toujours authentique. Je fais du rap gangsta, je pisse sur le rap hardcore. Pas là pour le débat où met tout le monde d'accord. Faut même si confondre le rap avec le marketing. Mais regarde leur niveau, putain c'est pathétique. Ouais, y'a ceux qui se font niquer, y'a les chroniqueurs. Oui, je pèse votre rap de merde et tous ces chroniqueurs. Et quoi, ne peut pas ici, je vous vois plus là-bas. Il paraît ça se mobilise, mais moi je vois nada. J'ai pas besoin de fumer, moi tout seul je fais un tabac. Moi devant, je suis toujours resté. Et quoi, ne peut pas ici, je vous vois plus là-bas. Il paraît ça se mobilise, mais moi je vois nada. Se prennent tous pour Corleone ou Tony Montana. Moi devant, ça vient du sein. J'ai trop avancé pas, donc je fais des sauts du. Caractère imprévisible, lunatique, tumeur. On m'a dit fais pas du rap, tu vas te faire laminer. 5 ans plus tard, je suis encore là, trop déterminé. Ma seule satisfaction, c'est quand on me dit putain, t'assures. Puis je m'en fous de père à ta soeur, et tout ce que je dis, bah je l'assume. Mais rime, c'est des balles, ma voix, un Smith et Wesson. Comme dit le poteau Naslo, y'a des gars qui m'impressionnent. Je suis un gars polyvalent, je rappe avec ou sans thème. Je rappe l'hiver et je rappe l'été, j'enchaîne les rimes par centaines. Ouais, je surfe sur le rap, chez moi ça coule de source. Loin devant, pas essoufflé, même en bout de course. J'apprécie quand sur mes sons, les gars et les go trip. Prends ce son à la légère. C'est un égo trip. Voilà pourquoi je reste serein quand tu me trouves décevant. Car faut pas être un devin pour voir que je suis loin devant. Et quoi, ne peut pas ici, je vous vois plus là-bas. Il paraît ça se mobilise, mais moi je vois nada. J'ai pas besoin de fumer, moi tout seul je fais un tabac. Moi devant, je suis toujours resté. Et quoi, ne peut pas ici, je vous vois plus là-bas. Il paraît ça se mobilise, mais moi je vois nada. Se prennent tous pour Corleone ou Tony Montana. Moi devant, ça vient du sein. Et quoi, ne peut pas ici, je vous vois plus là-bas. Il paraît ça se mobilise, mais moi je vois nada. J'ai pas besoin de fumer, moi tout seul je fais un tabac. Moi devant, je suis toujours resté. Et quoi, ne peut pas ici, je vous vois plus là-bas. Il paraît ça se mobilise, mais moi je vois nada. Se prennent tous pour Corleone ou Tony Montana. Moi devant, ça vient du 50.